Chapitre 2e. Monsieur Zaffoni habitait le premier étage, le piano nobile d'un palais assez délabré, mais encore grandiose, qui avait au temps de la domination vénitienne servi de logement officiel à quelques provéditeurs de la Sérénissime République, car le lion de Saint-Mars se distinguait sur le fronton de la porte, les ailes dressées et la patte sur le livre avec l'inscription « Pax Tibi, Marce, Evangelista Meus ». La singularité de l'installation du vieillard résidait en ceci, qu'obéissant à son innocente anglomanie, il avait meublé de meubles achetés à Londres et tendu avec des papiers de la même provenance ses hautes pièces, dont les grandes fenêtres étaient revêtues de stucs coloriés et le plafond peint à fresque. La cage noire des tables et des bibliothèques, les formes massives des canapés et des fauteuils à oreilles, le revêtement à étagères des cheminées, l'agrafage des rideaux sur leurs anneaux et leurs tringles de cuivre, les larges chrysanthèmes des murs, tous les détails de ce paisible intérieur rappelaient quelques petites maisons du Kent ou du Surrey, tandis que de grands personnages en costumes somptueux, hardiment brossés dans la manière de Tiepolo, surplombaient ce britannique décor et que le ciel méridional emplissait les croisées de son violent azur. Si l'on regardait au dehors, on apercevait les palmiers de l'esplanade, la citadelle revêtue de cette herbe grasse que les paysans de province appellent pied de sorcière et ceux d'Italie barbe de Jupiter. Sur l'eau du canal glissaient les voiles rouges des barques venues de Chioggia. Puis les yeux se détournaient au-dedans et ils rencontraient une longue collection reliée de numéros du Times, pareille à celle qui encombre les couloirs du sous-sol de l'Athénéum Club. Cet invraisemblable appartement était rempli de gerbes des belles fleurs de l'île, une autre passion du vieillard. Que de fois ne l'ai-je pas entendu me réciter avec enthousiasme les vers divins de Méléagre. Déjà la violette blanche fleurit, elle fleurit, la fleur qui aime les pluies, le narcisse, ils fleurissent, les lys qui aiment les montagnes. C'est là que, parmi ces glorieuses fleurs, devant ce lumineux horizon, sous la splendeur de la fresque vénitienne, à peine atténuée par le temps, l'ancien chef de l'opposition au Parlement ionien composait les mémoires, le mémoire plutôt, qui devait être l'empreinte durable de la petite fougère. C'est là aussi que je revis, après tant d'années, ce Clément Malglaive sur la probité duquel j'avais conçu de si terribles doutes, pourtant ébranlés par la chaude défense de M. Zaffoni. C'est là enfin que l'apparition de l'Antigone, comme l'avait appelé notre hôte, me fit souhaiter que cette apologie eût raison et que réellement le frère eût été retenu devant toute tentation de bassesse par le respect du sentiment que lui avait voué cette admirable sœur. Ma première impression, lorsque mon ancien camarade s'avança au-devant de moi, fut très contraire à ce que j'attendais. J'avais quitté, 22 ans auparavant, le Malglaive que je décrivais la veille à M. Zaffoni, maniéré, côteleux, flatteur, vaguement sournois. Je retrouvais un homme mûri par l'action, la physionomie ferme, la parole nette, le geste énergique. Aucune trace d'embarras ne révélait qu'il eût traversé, 3 mois plus tôt, une crise où son avenir politique avait failli sombrer, ni qu'il eût emporté avec lui, dans son voyage, le souci des difficultés qu'il retrouverait à son retour. Il me parla de notre commun passé, puis de la joie qu'il éprouvait à se promener librement en Grèce, loin de la fournaise parisienne, enfin du plaisir qu'il avait eu à connaître notre hôte sur un ton si naturel, si simple, que ce fut moi, faut-il l'avouer, qui demeurais un peu décontenancé. Je le demeurais d'autant plus que je n'eus pas seulement à subir le regard de M. Zaffoni, où je lisais distinctement ces mots. Voyons, est-ce là un malhonnête homme ? J'avais, à la minute où Malglaive s'avançait vers moi, surpris d'autres yeux fixés sur les miens, ceux de l'Antigone, de la sœur passionnée qui, visiblement, épiait mon attitude. La noble fille offrait, elle, dans tout son aspect, l'évidence du chagrin profond que lui avait infligé l'accusation lancée contre son frère. Ses joues étaient amaigries et pâlies, ses paupières flétries, mâchurées de larmes, battaient nerveusement sur les globes comme brillantées de ses prunelles. L'éventail que maniaient ses doigts s'ouvrait, se fermait avec une fébrilité maladive. J'ai compris depuis qu'aucun doute sur son idole n'avait jamais effleuré cette belle âme qui savait aimer, et savoir aimer c'est d'abord, c'est toujours, ne pas juger l'être qu'on aime, c'est croire en lui contre tout et tous, contre la probabilité, contre l'évidence. Mais si Christine Malglaive avait gardé la foi absolue dans l'honneur de ce frère, adoré depuis qu'elle respirait, aveuglément et continuellement, elle n'ignorait rien des attaques auxquelles il avait été en butte, et le supplice de sa vie, depuis 3 mois, c'était de se dire que d'autres ne pensaient pas comme elle. Voilà pourquoi ses brûlants yeux noirs, la seule beauté, la suprême jeunesse de son visage prématurément fané, ne perdaient pas un seul de mes mouvements, et pourquoi aussi je tremblais qu'un geste instinctif ne trahît ce qui se passait en moi. Pour une fois, ma volonté fut maîtresse de mes nerfs, et je ne laissais rien transparaître de mon trouble. Je fus récompensé de cet effort par la détente qui se fit tout d'un coup sur le masque contracté de la pauvre Antigone. Elle venait de se dire « Il ne croit pas, mon frère, coupable de l'indélicatesse dont on l'accuse. » Et cette certitude inondait ses veines d'un sang plus libre et plus chaud. Oui, pauvre Antigone, et comme elle devait avoir souffert, pour qu'une simple rencontre de ce frère avec un ancien camarade de collège la frappât d'une si cruelle appréhension. Mépriser la calomnie, lorsqu'il ne s'agit que de soi-même, c'est si facile, c'est si dur quand il s'agit d'un autre. Mais l'accusation portée contre Malglaive était-elle bien une calomnie? Je me souviens que, durant ce premier soir, toutes les énergies de ma pensée furent tendues à résoudre ce problème, pour lequel je n'avais d'autre donné que les façons d'être de cet homme qui, coupable, devait se surveiller de la plus stricte manière, et innocent de même. Ce savoir soupçonné avec vraisemblance produit des effets tout pareils à ceux du remords. Que ce fût un rôle ou non, pas une seconde, durant cette première soirée, Malglaive ne se départit de ce ton de gaieté familière et cordiale avec lequel il m'avait accueilli. Je me souviens qu'à table, je le regardais manger, pour m'assurer que cette belle humeur n'était pas jouée, et je dus constater qu'il jouissait réellement de l'excellente chair que nous avait fait préparer notre hôte, des plats nationaux, mais cuisinés avec un art exquis, de la boutargue et du caviar pour commencer, un coulis de poisson ensuite comme potage, puis du kebab, comme rôti un coq de bruyère venu du golfe d'Arta, des aubergines frites comme légumes, et pour dessert, de cet étrange gâteau, sorte de feuilleté au miel et à l'huile d'olive, le baklava, des figues sèches, garnies de pistaches, du fromage de chèvre, des mandarines d'un arôme délicieux et des confitures incomparables achevaient ce menu, le tout arrosé d'un château Yquem et d'un margot digne de figurer à la table d'un prince. Ce sont des caisses de vin que j'avais dans ma cave depuis 35 ans, nous disait modestement notre hôte. On les y avait oubliées. Par hasard, le domestique les a découvertes l'autre jour derrière les piles de bois, et c'est heureux, car je n'ai de passable ici comme vin grec que du Mavro Daphné. Vous le goûterez tout à l'heure. Quand arriva cette liqueur de raisin, si joliment surnommée le vin du laurier noir, le geste par lequel Malglaive souleva son verre à facettes pour aspirer l'arôme de cette goutte d'ambre chaude et parfumée, me rappela tout à fait l'épicuréisme gai qu'il montrait dans nos petites fêtes de jeunes hommes à 18 ans. Qu'il fût devenu le voluptueux que pronostiquait son adolescence, je n'en pouvais douter. Je ne pouvais pas douter non plus, à sa brillante et souple conversation, que la politique n'eût été pour lui uniquement un moyen de parvenir, une carrière où recueillir au plus vite le plus de jouissances possible. Il avait eu, durant tout le repas, pour répondre aux questions de M. Zaffoni sur les principaux personnages de son propre parti, ce scepticisme de coulissier que je connais trop bien. Pour le vieillard, ces anecdotes inédites étaient si intéressantes qu'elles expliquaient son engouement. Qui donc l'eût jamais initié ainsi à l'arrière-fond de notre boutique parlementaire? Et puis, si fin que pût être le cher Edignum, il n'avait pas de point de comparaison pour une pareille causerie. Il ne se représentait pas, comme moi, le type si banal et si logique auquel se rattachait le jovial Malglaive. Ce démocrate à programme hardiment, impudemment réformateur, qui ne croit au fond qu'aux manœuvres de couloir et s'empresse d'exploiter les abus qu'il anatémise sur ses affiches. Je suis injuste. Malglaive se distinguait des autres en ce qu'il avait de la portée dans l'esprit. Je l'entends encore, énonçant sur l'avenir de la France actuelle des idées qui n'eussent guère édifié ses électeurs, mais elles correspondaient trop exactement à la réalité pour ne pas me séduire, comme elle séduisait visiblement M. Zaffoni. « Je ne me fais pas d'illusions, disait-il. tout cela finira pour nous par des conférences en Belgique, et pour le pays par un César. Le fond du français, voyez-vous, c'est le celte excitable et imaginatif. Pendant 100 ans, cette imagination s'est exaltée sur l'idée de république. Toutes les misères dont ce peuple souffrait, toutes les humiliations, toutes les difficultés, il les attribuait à ce fait qu'il n'était pas en république. Il y est aujourd'hui et il voit que les choses sont absolument les mêmes. Il faut pourtant qu'il imagine, il a cela dans le sang, et ne pouvant plus cristalliser autour d'un mot, il va cristalliser autour d'un nom et créer un César. « J'espère bien que non, » interrompit M. Zaffoni. « Vous n'avez qu'à jeter les yeux sur l'Angleterre du XVIIIe siècle pour constater à travers quel trouble s'est fondé son régime parlementaire. Le vôtre se fondra de même. » « Je serai de votre avis, » répondit Malglaive, « quand vous aurez mis l'océan autour de la France. Les Anglais habitent une île. Toute leur histoire s'explique par là et toute la nôtre par notre frontière ouverte. » J'ai transcrit ces 3 ou 4 phrases entre des centaines d'autres, au hasard de ma mémoire, parce qu'elles me frappèrent sur le moment comme assez caractéristiques de la supériorité qu'avait Malglaive sur la plupart des gens de sa sorte. Il avait gardé le pouvoir et le goût des idées générales. Il y avait du sophiste, de l'éternel Gorgias, dans sa façon de présenter ses points de vue, mais il était capable de points de vue. Et ne peut-on pas être un sophiste doublé d'un sceptique et d'un jouisseur et garder ses mains nettes de toute concussion? Aussi m'abandonnai-je durant cette soirée au plaisir d'écouter le vieux routier du Parlement Corfiotte et le jeune routier de la Chambre française en train de discuter l'un contre l'autre sur l'avenir de la France puis de l'Europe, sans plus me soucier du chèque Malglaive, ainsi que s'exprimaient les journaux de combat. Cette sincérité de mon plaisir n'échappa point à la sœur, et celle-ci me donna la preuve de la joie que je lui avais causée en me remerciant à sa manière, vers la fin de cette soirée, tandis que nous prenions les verres de limonade fraîche que M. Zaffoni avait voulu nous préparer lui-même avec les beaux citrons de Lille, exprimés par ses vieilles mains dans un petit pressoir d'argent venu de Regent Street. Clément m'avait bien souvent parlé de vous quand vous étiez au collège, me disait la douce Antigone. Il aimait tant tous ses amis, il les aime tant encore. Il n'était pas fait pour la politique, il s'y use trop, il apporte du cœur là où il faudrait du calcul. C'est un homme de sentiment et non pas un homme d'affaires. Aussi, quand il subit une trahison, elle le brise. Vous avez vu les indignes attaques dont il a été victime cet hiver. J'ai dû le décider à voyager pour se remettre de cette horrible secousse. Il en avait perdu le sommeil, non pas à cause du fait lui-même, il était si fort de son innocence. Mais il a vu des collègues pour lesquels il avait été si bon, se tourner contre lui. Ses perfidies lui ont été trop amères. Pourquoi suis-je ainsi fait que les illusions les plus naturelles du monde, celles d'une mère sur son fils, d'un père sur sa fille, d'un mari sur sa femme ou d'une femme sur son mari, me rendent toujours très sévère pour la personne qui en est l'objet? N'ai-je pas raison? Pour avoir provoqué et entretenu cette fausse image d'elle-même, cette personne ne doit-elle pas avoir menti constamment dans son intérieur, constamment feint des émotions qu'elle n'avait pas, étalé un caractère autre que le sien? La confidence si touchante de Mademoiselle Malglaive eut sur moi cet effet instantané. Elle me rendit du coup ma défiance envers ce frère, si peu semblable à l'idée que sa sœur se formait de lui. Les préventions qui m'étaient demeurées de notre jeunesse et que la conversation avait presque dissipé, me ressaisirent avec une telle force qu'en regardant sous la lampe le visage du politicien au moment de prendre congé, ce masque de joli homme m'apparut soudain comme revêtu d'un caractère sinistre. Il était blond avec une barbe taillée en pointe, et il avait des yeux noirs sur un teint presque doré. Je voulus soudain reconnaître dans le contraste entre la couleur de ses prunelles et la couleur de ses cheveux l'indice d'une duplicité innée, comme aussi dans la différence entre sa physionomie vue de face et cette même physionomie vue de profil. Enfin, je lui donnai la main, persuadé, malgré les impressions d'abord favorables de la soirée, que ses accusateurs avaient dit vrai. Quoique ce séjour à Corfou ne dût pas finir sans que je tinsse une preuve certaine de son indignité, je ne donne pas cette subite volte-face de mon opinion comme un signe d'un coup d'œil supérieur. Je la mentionne simplement pour mieux faire comprendre le singulier mélange de douleur et de mécontentement que me donna cette indiscutable preuve. Ceux qui font métier de regarder d'un peu près la vie sont ainsi partagés sans cesse entre le dégoût, la tristesse, l'épouvante quelquefois devant la vilenie humaine, et une espèce de satisfaction intellectuelle assez analogue à celle de l'astronome qui voit apparaître, dans le champ de sa lunette, l'étoile prédite par ses calculs.